Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fa ceci est la traduction d'une question qui a été posée à notre cheikh Fouad Ben Saoud Al-Amri, habidahullah ta'ala, après son cours qu'il nous a dispensé le 16 du mois de Ramadan de l'année 1440, après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette question a été posée par un de nos frères au cheikh. Et cette question portait sur la fausse couche qu'avait fait sa femme pendant le mois de Ramadan. Donc, le résumé de la question est que notre frère a posé la question au cheikh, Abdallah Ta'ala, sur le jugement de cette fausse couche pendant le mois de Ramadan, ou le jugement plutôt du jeune de sa femme après cette fausse couche pendant le mois de Ramadan. Aussi, il demanda au cheikh de lui faire un conseil ainsi qu'à son épouse. Hafidahumullah jami'an. Le cheikh a commencé par faire des invocations pour le frère et sa femme, demandant à Allah Azza wa Jalla qu'il le remplace par mieux que ceci. Il orienta le frère sur le fait de louer Allah tabaraka wa ta'ala dans toute situation, de le louer pour son décret. Puis il dit, hafidhahullah ta'ala, qu'il n'y a pas de doute que ceci, cette fausse couche, est une épreuve. Et Allah Azza wa Jalla nous a informé à propos des gens de la foi, les gens qui ont la foi, l'iman, que ces derniers, lorsqu'il leur arrive une épreuve, lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ils disent, certes nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Et le cheikh Hafidhahullah ta'ala de dire que celui qui se sera conformé à cette orientation faite par notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, celui-là sera honoré et anobli par lui tabaraka wa ta'ala, car Allah Azza wa Jal le dit dans Surat al-Baqarah, dans le sens approximatif de ces versets, très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Et le cheikh de dire, c'est comme si Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a été posé la question après ce verset, et fait la bonne annonce aux endurants, et qui sont les endurants? Et lui de dire, Azza wa Jal, dans le verset qui suit, dans le sens approximatif de ses paroles, ceux qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous annonce quelle est leur récompense et de quelle manière il les anoblit. Il dit, ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Un anoblissement d'Allah pour ceux-là qui auront patienté et enduré face à cette épreuve. Puis, le cheikh de me dire que son conseil pour ces derniers et de patienter conformément à ce verset, de prononcer cette formule qu'on appelle la formule de l'istirja', inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, dans le sens approximatif de ces paroles, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Il leur conseilla aussi, Hafidhahullah Ta'ala, d'avancer et d'aller de l'avant. De ne pas s'attarder sur cette épreuve, mais plutôt de rechercher ce qui leur sera profitable dans leur vie d'ici-bas, comme dans l'au-delà, dans leur vie d'ici-bas, dans leur vie mondaine, comme dans leur vie religieuse. Ensuite, le cheikh de dire que, en réponse à la question, et du fait que cette fausse couche a eu lieu pendant le mois de Ramadan, le mois du jeûne, le cheikh répond donc à cette question en disant que ce qui a été rappelé parmi les symptômes, comme les douleurs fortes au ventre, ainsi que les pertes de sang, eh bien ceci n'est pas considéré comme des lochis, mais plutôt cette femme prend la sentence du malade. Dire ce qui lui arrive est estimé comme une maladie. Et le cheikh de nous dire que Allah Azza wa Jal nous expliqua dans son livre Tabaraka wa Ta'ala comment doit faire le malade pendant son jeûne. Il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Puis le cheikh de nous dire, dans l'autre verset, il dit, ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté. Donc le cheikh de nous dire que Allah Azza wa Jalla nous a informé, nous a détaillé comment doit se comporter le malade pendant le mois de Ramadan. Donc il sera impératif pour elle de rattraper ses jours. Plutôt, le cheikh nous dit que ces jours où elle ne peut pas jeûner, elle ne se sent pas capable de jeûner, comme elle prend le jugement du malade, eh bien, elle pourra ne pas jeûner ces jours-là et il lui sera impératif de rattraper ses jours pour chaque jour jeûné, un nombre équivalent de jours, pour chaque jour, pardon, où elle n'a pas jeûné, de rattraper un nombre équivalent de jour. Et le cheikh de nous dire que ceci est une miséricorde immense de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour nous d'avoir légiféré ceci. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.